L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, le journal Dagon Baon, la télévision satellitaire finissent en Hong Kong de Chine, les réseaux Information, Planète et Jeunesse de Chine, les journaux indiens Hindus Times, Indian Express et Hindu, la télévision Genius, l'agence de presse Inde Asie, la télévision NHK du Japon, l'agence de presse Kuna du Koweït, le journal turc Haberler.com et la télévision Telesur du Venezuela ont présenté les 2 et 3 mars la communication du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée, publiée pour critiquer les bellicistes américains et sud-coréens qui livrent les manœuvres militaires conjointes de nature agressive contre notre République, en dépit de nos avertissements et des fortes protestations de l'intérieur et de l'extérieur du pays.